sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche, la première de l'année 2010 et la première depuis un bon bout de temps parce que j'ai été absent pendant toutes les fêtes et la dernière émission date du début décembre, donc ça fait presque un mois que j'étais plus en onde ici avec l'émission La Dernière Porte à Gauche, donc c'est un retour pour cette émission aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, on va avoir une heure de musique francophone aujourd'hui et ce que je vous ai préparé, il va y avoir entre autres aujourd'hui une nouveauté de Éric Bélanger qui prépare un nouvel album et qui a même un petit concours associé à son nouvel album, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il va y avoir aussi les Ghouls qui se sont reformés momentanément pendant les fêtes. Je vous en parle aussi dans l'émission. Et on va commencer tout de suite avec le groupe Éléphantine. On va écouter la pièce La Tentative, extrait de leur album Le Bonheur en 3D. Les Éléphantines vont être ici à Trois-Rivières dans quelques semaines. C'est dans deux semaines précisément. C'est le 19 janvier. C'est au Gambrinus, dans le cadre des Mardis Live du Gambrinus. Donc dans deux semaines, Éléphantine, ça coûte seulement 5 billes en plus, c'est vraiment pas cher pour aller voir Éléphantine, mais on va avoir la chance de vous en reparler. D'ici là, pour tout de suite, on écoute La Tentative de Éléphantine à La Dernière Porte à Gauche. ciel sur la toile se colle. Le froid de mes traits m'étonne. Dans le tableau, je suis là-haut, chevauchant l'hirondelle du chant. Dessiner mes amis sur un tapis d'oiseaux, ils s'enchantent et tous sans cœur me scandent. La la la la la la la la la la. Le groupe Mille Monarques qu'on vient d'entendre avec la pièce Réflexion respiratoire sous apesanteur. Juste avant, on avait entendu Monogrenade avec la pièce Ce soir, Monogrenade, qui ont leur album La saveur des fruits, qui est sorti en 2009, vers la fin de l'année 2009, et qui a quand même beaucoup fait parler de lui. C'est un très, très bon album, celui de Monogrenade, qui n'ont pas fini d'exploiter encore, de le tourner et de le jouer, cet album-là. Je pense, en fait, qu'il fait juste commencer. On commence à connaître, là, dans un public un peu plus élargi, le groupe Monogrenade, qui joue ici à l'émission depuis un bon bout de temps. Je me souviens pas au juste quand est-ce que j'ai découvert ce groupe-là, qui est vraiment très bon. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va l'entendre de plus en plus parler de ce groupe Mille Monarques, qui vont même, pas Mille Monarques, mais plutôt Monogrenade, qui vont être en spectacle pas très loin d'ici. Là, ce que j'ai vu de plus proche pour spectacle, pour aller voir Monogrenade, c'est à la Valtrie. Et puis en même temps, ils sont avec Hôtel Morphée. Donc ça peut faire, je pense, un très bon duo, ça, ces deux groupes-là. Sinon, ben aussitôt que, en tout cas, si jamais un jour le groupe vient faire un tour à Trois-Rivières, c'est sûr que vous, ça allez être au courant, chers auditeurs de C'est fou. Maintenant, on va continuer avec un autre groupe un peu dans le même style. En fait, un artiste un peu dans la vague assez tranquille qui a commencé l'émission. Mais en même temps, je dis ça, puis en même temps, je vais passer une nouvelle pièce de cet artiste-là, Éric Bélanger. J'ai déjà fait jouer quelques pièces de son premier album qui s'appelait Banana Spleen, qui était très, très planant, très musique de chambre, piano-voix. C'était folk aussi en même temps. Mais souvent, c'était simplement piano-voix. C'était vraiment très, très tranquille. Et deux nouvelles pièces sont disponibles sur son MySpace. Et en tout cas, le son des deux se ressemble pas mal. Et c'est beaucoup plus pop que ce qui nous avait habitués avec l'album Banana Spleen. Je suis pas sûr encore si j'aime mieux ça à l'ancien son. Quoi qu'on retrouve quand même toujours la même fibre de base, la voix d'Éric, le piano aussi est très présent. Mais c'est vraiment plus pop. Donc en tout cas, je vous fais écouter ça, la pièce « Tu es » de Éric Bélanger. Et aussi, ce qu'il y a de particulier à propos d'Éric, c'est qu'il y a un concours présentement pour la pochette de son prochain album. Donc vous pouvez être l'auteur de la pochette du prochain album. Si vous voulez les renseignements pour ça, vous allez sur le www.myspace.com/Éric Bélanger, et on écoute la pièce Tu es tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sur les tranches de ma vie, le trou dans la toiture qui laisse passer la pluie. Mais tout ça, je m'en fous. Tu es comme tu es, et pour moi, tu es tout. Le parfait dans l'imparfait. Tu es une maille dans ma veste, la faille de mon armure, le caillou dans ma chaussure qui m'irrite quand je fuis. Mais tout ça, je m'en fous. Tu es comme tu es, et pour moi tu es tout. Le parfait dans l'imparfait. Tu es comme tu es. Thank you. C'était les Ghouls avec la pièce Turlute, extrait de leur album Memories, leur avant-dernier album pour toute la vie, en fait, puisque les Ghouls n'existent plus maintenant. Mais ils se sont reformés un peu pendant les fêtes seulement pour un spectacle. Le 31 décembre, ils ont fait un spectacle de fin d'année, vraiment du nouvel an à Québec, dans leur ville natale, Québec. Ils se sont regroupés avec le chanteur Kid Kuna, qui est maintenant en formule solo. Qui évolue seul avec son album solo qui est sorti pendant l'année 2009. Et puis aussi, d'ailleurs, il nous disait qu'il avait l'intention de continuer de cette façon-là, qu'il prépare d'autres chansons, d'autres albums. Donc, pas vraiment de projet de réunion complète là, pour les Ghouls, mais je trouve ça le fun qu'ils ne ferment pas la porte à des petites occasions spéciales comme ça pour faire des spectacles avec les vieilles chansons des Ghouls, tout le groupe ensemble avec leurs bons vieux costumes. Ça devait être vraiment génial. J'ai pas pu aller voir, mais quand même, je trouve ça encourageant parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Je trouve ça triste qu'il n'existe plus, mais je me dis peut-être qu'il y en aura d'autres, des occasions spéciales comme ça pour revoir les Ghouls. Et sinon, mais il existe toujours l'excellent DVD, La Fête des Morts, qui immortalise le dernier spectacle des Ghouls. C'était en octobre 2008. On va faire une pause tout de suite, mais restez là parce que l'émission La Dernière Porte à Gauche se poursuit tout de suite après. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1.

We Are Wolves avec La Rue Oblique. Juste avant ça, on avait entendu le groupe Pas Chic Chic avec la pièce Blindé d'attention. Blindé d'attention, c'est une pièce qui se retrouve pas sur aucun album. Ben, en fait, sur le premier album complet de Pas Chic Chic, c'est un album qui se retrouvait, c'est une pièce plutôt qui se retrouvait sur le simple de la pièce Aidé Morcelé. Je sais même pas si c'est vraiment un simple officiel là, qui avait déjà été disponible en magasin ou seulement une copie promo ou un genre de démo. Bref, c'était l'album de Aidé Morcelé plus Blindé d'attention. Qui se retrouvait là-dessus et nulle part ailleurs. Et Pas Chic Chic prépare présentement un nouvel album. Il est prévu pour sortir en début 2010, donc dans les prochaines semaines, j'imagine, ou prochains mois, on attend ça. Le nouvel album de Pas Chic Chic, sous l'étiquette Semprini Records, l'étiquette du DJ Ramasutra. Donc on va attendre ça avec beaucoup d'impatience, nouvel album de Pas Chic Chic. Pour l'instant, on va continuer en musique avec Les Bébés Requins et la pièce Discothèque. Mais juste avant ça, Les Mockingbirds et la pièce Lève le son. Vous êtes à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. danser. Vous tous, faites exploser la discothèque. Dansez. C'était le groupe Jésus les filles avec la pièce Mercredi, un très bon groupe, ça, Jésus les filles, qui est pas très vieux, pas encore d'album complet de concrètement sorti, là. Il existe un petit démo simplement, mais il y a quand même 4 pièces de Jésus les filles sur leur MySpace, www.myspace.com/Jésus les filles, tout simplement. Et c'est vraiment très bon, du bon rock de garage, comme je l'aime. Et l'émission, la dernière porte à gauche de cette semaine, est déjà terminée. Il va rester quelques minutes, le temps d'aller écouter une pièce du groupe Les Temps Liquides, une vieille pièce que j'aime bien faire jouer ici, presque, comme diraient certains, un vieux classique. C'est extrait de l'album qui s'appelle tout simplement Les Temps Liquides, du groupe Les Temps Liquides. La pièce, c'est... l'album, c'est Le Truc, c'est de tout faire à la botche. Et la pièce, c'est pas pour rien qu'on se fait toujours casser la gueule pour rien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, 17h, pour une autre émission de La Dernière Porte à Gauche. Sinon, je vous retrouve tous les jours, du lundi au jeudi, en fait, en compagnie de Mathieu Plante à l'émission Assemblage requis. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui connaissent un peu la case horaire du mardi soir, généralement, c'est Sébastien Dulude qui suit avec l'émission Étal Mixte. Mais bon, l'émission Étal Mixte et Sébastien ne sont pas en onde cette session, j'espère. Je sais pas s'il va revenir la prochaine session, mais bon, pour la session d'hiver 2010, Sébastien n'a pas d'émission, n'animera pas l'émission Étal Mixte. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Je vous laisse avec Les Temps Liquides et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Let's go.